milliards de riz. C'est plate en brocoli. On voudrait jouer, mais il faut roupir. Ah, comme j'aimerais sortir, me rouler dans la boue, attacher des boîtes de conserve aux queues des chats, casser une vitre d'une fenêtre du voisin, dessouffler les pneus de son auto. Oui, oui, ah, comme oui, ce serait merveilleux. Oui, mais Jean-Raymond Auguste Tremblay du Verger Bigras du Mont, on dort pendant la sieste, sinon je ne te réveillerai pas pour la collation.